Les noms du jour de la résurrection. La multitude des citations du jour dernier faites dans le Coran sous différents noms souligne l'importance accordée à ce dernier, en plus de la mention de ses signes. Chacun de ces noms a sa propre signification. Parmi ces noms, nous trouvons l'heure. Allah Azzawajal a dit « Inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha » En vérité, l'heure va arriver, pas de doute là-dessus. Sourate Ghafir, verset 59. Le jour de la résurrection. Allah Azzawajal a dit لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ Vous avez demeuré d'après le décret d'Allah jusqu'au jour de la résurrection. Sourate Ar-Rum, verset 56. Le jour de la rétribution. Allah Azzawajal a dit مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ Maître du jour de la rétribution. Sourate Al-Fatiha, verset 3. Le jour du regret. Allah Azzawajal a dit وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ Et avertis-les du jour du regret. Sourate Maryam, verset 39. La demeure de l'au-delà. Allah Azzawajal a dit وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie, s'ils savaient. Sourate Al-Ankabut, verset 64. Le jour de l'appel mutuel. Allah Azzawajal a dit وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ Ô mon peuple, je crains pour vous le jour de l'appel mutuel. Sourate Ghafir, verset 32. La demeure de stabilité. Allah Azzawajal a dit Et l'au-delà est vraiment la demeure de la stabilité. Sourate Al-Ghafir, verset 39. Le jour de la décision. Allah Azzawajal a dit C'est le jour de la décision que vous traitiez de mensonge. Sourate As-Safa, verset 21. Le jour du rassemblement. Allah Azzawajal a dit Et que tu avertisses du jour du rassemblement, sur lequel il n'y a pas de doute. Sourate Ash-Shura, verset 7. Le jour des comptes. Allah Azzawajal a dit هذا ما توعدون ليوم الحساب. Voilà ce qui vous est promis pour le jour des comptes. Sourate Sad, verset 53. Le jour de la menace. Allah Azzawajal a dit ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. Et l'on soufflera dans la trompe. Voilà le jour de la menace. Sourate Qaf, verset 20. Le jour de l'éternité. Allah Azzawajal a dit Udkhuluha bisalam, dhalika yawmul khulud. Entrez-y en toute sécurité, voilà le jour de l'éternité. Sourate Qaf, verset 34. Le jour de la sortie. Allah Azzawajal a dit Yawma yasma'una as-sayhata bil-haqq. Le jour où ils entendront en toute vérité le cri, voilà le jour de la sortie. Sourate Qaf, verset 42. L'événement. Allah Azzawajal a dit Quand l'événement arrivera. Sourate Al-Waqi'a, verset 1. L'inévitable. Allah Azzawajal a dit Al-Haqqa, mal-haqqa, wa ma adraka mal-haqqa. L'inévitable. Qu'est-ce que l'inévitable? Et qui te dira ce que c'est que l'inévitable? Sourate Al-Haqqa, versets 1 à 3. Le grand cataclysme. Allah Azzawajal a dit فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى Puis quand viendra le grand cataclysme. Surat An-Nazi'at, verset 34. Le tumulte. Allah Azza wa Jalla a dit: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Puis quand viendra le tumulte. Surat Abasa, verset 33. L'imminente. Allah Azza wa Jalla a dit: أَذِفَتِ الْأَذِفَةُ. L'imminente s'approche. Surat An-Najm, verset 57. Le fracas. Allah Azza wa Jalla a dit: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? Sourate Al-Qari'a, versets 1 à 3.